Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1921, le préhistorien Jacques de Morgan fait paraître « L'humanité préhistorique », un ouvrage qui est le fruit d'une vie consacrée à la recherche des origines de l'homme. Il écrit « Aujourd'hui, en ce qui regarde la haute antiquité de l'homme sur la Terre, nos recherches ne portent encore que sur une aire géographique bien limitée, l'Europe occidentale, le nord de l'Afrique, quelques points de l'Asie antérieure et de l'Amérique du Nord ». Oui, seuls ces aires ont livré quelques-uns de leurs secrets, des confidences bien incomplètes, d'étendues fort restreintes dont il serait dangereux au plus haut point de tirer des conclusions d'ordre général. À peine sommes-nous en droit de proposer quelques hypothèses, écrit Jacques de Morgan. Ces hypothèses aujourd'hui ont des relents idéologiques. Oui, qui étaient les premiers Américains ? Éric Boëda, bonjour. Bonjour. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Qui sont les premiers Américains au sens où, préhistorien, spécialiste de ces questions-là, vous connaissez ces problèmes de chronologie, où allons-nous le plus loin aujourd'hui dans la recherche des origines des premiers habitants de ce continent ? Alors, dans votre question, en fin de compte, il y en a deux. Il y a la première question, c'est à partir de quand avons-nous les preuves matérielles de l'occupation des territoires américains nord et sud, et on pourrait rajouter ceux de la Mésoamérique. Et la deuxième question sous-jacente, c'est qui ? Et ce n'est pas du tout les mêmes questions. Donc actuellement, on peut répondre à la première, mais on ne peut pas répondre à la seconde sur la longue temporalité des occupations et des présences humaines en Amérique. Disons que actuellement, ce qui est accepté, non pas par la totalité, je veux dire, parce que je pense qu'on reviendra dessus, on peut citer une date aux alentours de 40 000 ans. 40 000 ans, c'est absolument énorme. 40 000 ans, c'est vrai que toujours dans ce besoin de repères, nous pouvons évoquer que 40 000 ans, nous sommes sur des déplacements de population. C'est vrai que la question se pose aussi pour savoir à quel moment l'homme a quitté l'Afrique pour se diriger vers l'Europe, vers l'Asie. Nous sommes sur une chronologie tardive, nous sommes sur un mouvement qui peut être comparable. Alors, répondre à votre question, il faut laisser la porte ouverte. Il y a une découverte qui a été faite sur la côte ouest, à côté de San Diego, sur le site de Cerruti, que j'ai eu l'occasion de visiter justement avec ma collègue Christelle Lahaye. Et dans ce cas-là, on a vu du matériel qui a été daté au plus vieux de 110 000 ans et au plus jeune de 70, et qui nous laissait largement penser qu'effectivement il y a des hommes qui étaient déjà présents à cette date-là. Maintenant, effectivement, ça pose il y a une interrogation puisque les plus vieilles traces d'occupation humaine des individus fabriquant des outils en Chine est aux alentours de 2,6 millions dans la région de Chongqing, donc le long du fleuve du Yangtze. Donc des individus étaient présents dans le sud-est asiatique pratiquement peu de temps après l'Afrique. Donc la question c'est Et les Amériques, oui, parce que c'est une question qui est passionnante et une question qui fait débat. Et c'est pour cela que nous intéressons aujourd'hui à cette question dans le cours de l'histoire sur France Culture. Avec vous aussi, Christine Lahaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence, Christelle Lahaye, en géochronologie à l'université Bordeaux-Montaigne. Et justement, la notion de chronologie est essentielle. Alors, je ne veux pas dire plus qu'ailleurs, parce que c'est toujours la question. Mais pour l'Amérique, nous sentons bien qu'il y a ici des amplitudes chronologiques gigantesques entre les découvertes qui se font année après année et puis l'histoire même de l'étude des premiers Américains. D'ailleurs, si l'on cherchait à faire la chronologie même de cette étude, il faut remonter à quand ? Nous sentons qu'il faut remonter au début du XXe siècle, il ne faut pas aller si loin que ça. Oui, au début du XXe siècle, pour tout ce qui est découverte déjà de la culture Clovis, en fait. Hein, le gisement éponyme, c'est dans les années 30, si je me souviens bien. Mais les premières datations numériques remontent à... après la mise en œuvre du carbone 14, donc aux années 50-60. Et les premières datations controversées, elles remontent aux années 80, aux années 70-80, avec les travaux de Niette Guidon au sud, donc au Brésil. Oui, parce qu'il y a vraiment deux histoires ici qui se croisent, Éric Boëda. Il y a l'histoire, celle que vous produisez, cette recherche de scientifiques, vous avec Christelle Lahaye, et puis il y a l'histoire même de cette recherche, et les deux vont de pair. C'est surprenant, mais elle est, disons, elle suit le cours du XXe siècle. Comme le signalait Christelle, les premières découvertes en Amérique du Nord datent aux alentours des années 20-30, effectivement. Et c'était souvent des gens qui avaient été formés un peu en Europe, puisque la préhistoire était, non pas européenne, j'aime pas ce terme-là, elle était périméditerranéenne, et c'est là où les grandes idées se sont forgées. Et donc il y a eu une espèce de dispersion des chercheurs, et donc les premières découvertes se sont faites là. Et il y a eu très vite d'autres découvertes qui ont été faites aux États-Unis, donnant des âges beaucoup plus vieux que ce fameux site de Clovis qui, rappelons-le, était aux alentours de 12 000 ans, 13 000 ans. Et puis, ces autres sites, ils étaient acceptés d'une certaine manière, et il y avait une communauté qui fait que les gens visitaient les sites des uns des autres, et on n'était pas du tout, je veux dire, dans cette espèce de confrontation, ah non, ton site est pas bon, c'est moi qui est le plus vieux, et ainsi de suite. Et je faisais le parallèle avec la France, avec l'Europe, parce qu'effectivement, en Europe, on avait une communauté. Moi, quand j'étais jeune préhistorien, j'ai rencontré pratiquement tous les archéologues même ceux, effectivement, qui étaient de l'autre côté du mur de Berlin, je veux dire. Donc, il y avait une espèce de circulation. Et à un moment donné, on a senti une espèce de raidissement qui s'est opéré, où il y a une doxa qui s'est installée de façon très, très insidieuse, qu'on peut difficilement dater et nommer les responsables, qui a fait que il y a eu une construction d'une histoire américaine. Je veux dire, comme l'Amérique s'est toujours construite sur des histoires de migration. Et là, ils ont gardé certains éléments et ils ont éliminé d'autres éléments. Et il y a un phénomène absolument assez incroyable qui m'avait été rapporté par un chercheur chilien qui travaillait avec des Américains et qui disait que les chercheurs qui trouvaient des sites au-delà de la date fatidique de Clovis, donc plus vieux, étaient martyrs chez eux, c'est-à-dire qu'ils étaient assassinés dans toutes les revues, mais aussi ils étaient assassins pour les autres, c'est-à-dire qu'au lieu d'y avoir une communauté de gens qui utilisaient les mêmes méthodes et qui défendaient les mêmes idées, je veux dire les mêmes faits, parce qu'en fin de compte on travaille sur des faits, hein, on ne travaille pas sur des idées, il y a eu cette espèce de guerre interne, donc qui a favorisé cette espèce de doxa qui fait que Clovis first, je veux dire, a pris un essor fabuleux, et on peut l'expliquer pour des raisons très idéologiques. Et parallèlement à ça, donc, il y avait des chercheurs sud-américains, voire nord-américains, qui, eux, travaillaient avec des Européens, donc avec l'école européenne, et qui, devant les faits, se sont dit, un caillou, s'il est fait de cette façon-là en Chine, et s'il est fait de cette façon-là au Liban, et s'il est fait de cette façon-là à Perpignan, je ne vois pas pourquoi le fait qu'il soit en Chine ferait qu'il ne soit pas bon. C'est le même objet, c'est les mêmes gestes, c'est les mêmes stigmates, c'est les mêmes traces, donc on va considérer que c'est le même objet. Et quelque chose qui vous paraît évident pour nous, je veux dire, c'est personne ne le conteste. Et bien, voilà, on se retrouve dans une situation aux États-Unis. Ce qui est blanc, disons, en dehors des États-Unis, n'est pas blanc dans les États-Unis pour certains chercheurs. C'est quelque chose d'ailleurs qui, pour nous, est très intriguant, hein, parce que nous avons toujours vécu, et vous l'avez très bien dit, Éric Boëda, pour la recherche sur la quête de l'ancienneté. Alors, c'était ici, et puis on vient de trouver quelque chose, c'est un peu plus loin. Et puis, voilà, c'est une évidence, et ce n'est pas le cas pour la recherche archéologique en Amérique, avec cette culture Clovis que nous citons depuis le début de l'émission. Bien, il est peut-être temps de se rendre à Clovis, aux États-Unis. Clovis, c'est le nom d'un site du Nouveau-Mexique découvert en 1932, qui a donné son nom à une technique de pierre taillée trouvée là et retrouvée ensuite dans tout le continent. Depuis les années 60, les partisans du Clovis First occupent tout le terrain avec une hypothèse d'une simplicité biblique. Pour eux, les grands ancêtres des Indiens sont passés à pied sec par le détroit de Bering il y a 12 000 ans. Sans rejeter cette hypothèse, les pré-Clovisiens veulent explorer l'idée que d'autres hommes ont pu gagner les Amériques par d'autres routes, et plutôt remontant jusqu'à 15, 20 000 ans ou plus. Sur France 5 en 2004, la culture Clovis est présentée de manière très simple et très efficace. Christelle Lahaye, effectivement, nous avons un site qui date de 13 000 ans. Et ce site, découvert dans les années 1930, en tout cas étudié dans ces années-là, sert de jalon. En fait, il est présenté comme étant le premier site d'installation d'une culture. Sur cette chronologie, nous sommes en moins 13 000 ans, ça nous semble si loin, il y a 13 000 ans. Pourquoi Clovis en 13 000 ans est une bonne explication pour beaucoup de dire voilà, c'est le jalon, la présence des premiers habitants en Amérique. Alors ça semblait cette hypothèse bien fonctionner et pendant très longtemps et encore aujourd'hui aux yeux de certains, simplement parce que effectivement tous les âges qu'on a obtenus sur cette culture de Clovis assez rapidement, hein, parce qu'il y a des dizaines de niveaux archéologiques qui sont attribués technologiquement, techniquement à cette culture et qui ont, et certains, une bonne partie ont pu être datés par le radiocarbone essentiellement, et on arrive à des datations qui semblaient qui sont comprises dans les dernières synthèses entre 13 400 et 12 800 ans. Et ça semblait correspondre assez bien à la possibilité d'ouverture du corridor. Donc on a la Béringie qui peut être traversée à pied sec, comme ça a été expliqué dans ce petit extrait de reportage. Et ensuite, les deux calottes glaciaires sur la partie nord du continent, qui présente un corridor déglacé qui était a priori accessible, qu'on aurait pu traverser à pied selon les périodes climatiques. Et dans un premier temps, l'hypothèse, donc au niveau du dernier maximum glaciaire, de l'ouverture de ce corridor déglacé, permettait cette théorie très très simple et en même temps très séduisante d'un passage par la Béringie, puis par le corridor déglacé entre les deux calottes glaciaires et une installation à l'échelle du continent, ou en tout cas de la moitié nord du continent. Et puis les derniers travaux, alors au-delà des découvertes de nombreux sites qui semblent prédater Clovis, qui ont été donc pour la plupart l'objet de controverses, assez récemment, on a pu montrer, en affinant un peu les chronologies climatiques en particulier, qu'en réalité, les tout premiers sites Clovis ont des dates qui sont légèrement antérieures à l'ouverture du corridor. Donc climatiquement, ça ne fonctionne plus. Et donc, de plus en plus, on parle de... même les fervents défenseurs du Clovis First acceptent aujourd'hui l'hypothèse d'un passage par la côte pacifique, en cabotage essentiellement, ou le long des côtes à pied sec, pour trouver une alternative finalement à cette entrée sur le continent. Oui, parce que ce passage, ce corridor, c'est le détroit de Bering entre l'Asie et l'Amérique, qui arrive par l'Alaska. Et c'est sûr qu'en période de glaciation, on peut passer plus facilement. Éric Boéda, vous avez assisté, vous, au temps de votre carrière, vous enseignez à l'Université Paris-Nanterre, vous avez assisté à l'évolution par la recherche de cette théorie, parce que factuellement, au moment des fouilles, eh bien, il y a des éléments qui apparaissent et qui sont datés bien avant ce que nous avons appelé la période de Clovis, donc 13 000 ans. Comment s'est construit un petit peu ces découvertes? Ça a été comme une révélation au fur et à mesure de se dire, mais il s'est passé autre chose. Comment ça s'est construit, cette histoire? Vous savez, il y a un élément dont il faut tenir compte, c'est qu'on fonctionne souvent aussi par adéquation biologico-culturelle. 13 000 ans, c'était l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, c'est nous. Et si on a une vision évolutionniste, on nous met au sommet de la pyramide. Et donc, on a tendance à voir... disons à des périodes aussi récentes que 13 000 ou 15 000 ou 20 000 ans, des individus qui sont nous, disons des autres nous, voilà, tout simplement. Et comme ce sont des autres nous, ils doivent aussi être aussi beaux et intelligents que nous. Donc ils doivent faire leurs preuves avec des techniques qui sont évoluées. Et pour revenir à Clovis, ce sont des pièces absolument magnifiques qui utilisent, entre autres, des techniques de pression. Bon, bref, ce sont des armes de jet, des armes de projectiles ou des couteaux. plutôt. Et techniquement, c'était c'est très beau. Je veux dire, c'est une pièce qu'on met facilement dans sa vitrine. Et donc, il n'y a pas de souci. Donc, il y a une espèce d'adéquation qui a eu lieu entre une espèce de technique qui donne une espèce d'esthétisme et une intelligence qui a permis l'occupation effectivement du continent américain. Alors là, c'est complètement fou parce que quand même, imaginez que ça voudrait dire que en Chine, donc où la colonisation ou la diffusion des hommes depuis l'Afrique a été faite par des imbéciles, quoi. C'est-à-dire que c'est pas les Homo sapiens, donc c'est pas. On sait très bien que l'occupation de la planète a été faite par une quantité d'individus qui ont utilisé des moyens, des procédés techniques différents et qui ont utilisé des outils différents pour réaliser les mêmes choses. Je veux dire, il ne faut jamais oublier que nos amis d'Asie mangent avec des baguettes et ça ne les empêche pas effectivement de manger. Et nous, on utilise des fourchettes. Et avant, on n'utilisait pas des fourchettes, on utilisait plutôt nos mains, voire des couteaux. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a la façon, effectivement, dont on prévoit le scénario. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé le cadre idéologique, il était clair. Et moi, souvent, je me souviens d'une confrontation avec un chercheur d'Amérique du Sud, où il me disait, de toute façon, ce n'est pas possible, parce que si ces outils ne ressemblent pas à ceux qui sont fabriqués par Homo sapiens en Asie de l'Est ou en Mongolie, eh ben, ça doit être des populations néandertaliennes ou d'Homo erectus. Et là, ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas la capacité cognitive de le faire. Voilà. Je veux dire, on est dans un raisonnement, je veux dire, circulaire ou dans un raisonnement de type aporétique où on peut strictement pas s'en sortir. Oui, parce que. Allez-y, Eric Boeda. Et oui, le point important, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du circumméditerranéen, mais il faut aussi parler du continent asiatique, il faut parler aussi des continents américains, il faut parler aussi de l'Australie, il faut parler de tous ces lieux que l'on connaissait mal à l'époque et qu'on avait tendance à regarder à travers nos yeux d'occidentaux. On devait trouver des autres que nous, voilà. Et il était pour nous absolument pas du tout évident de trouver des autres. Enfin, je viens de tromper. On cherchait des autres « nous », entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, alors avec des poils sur la tête, tout ce que vous voulez. Mais on n'imaginait pas des autres que nous. Et moi, j'ai commencé à travailler en Chine et je suis tombé sur des industries qui, croyez-moi, m'ont laissé rêveur pendant plusieurs années. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une mentalité, il y avait une façon de percevoir la matière, une façon du rapport de cette matière au corps, de la travailler, qui était complètement différent. Et à partir de là, vos yeux s'ouvrent et vous voyez des choses qui montrent que l'homme, les hommes et les femmes ont effectivement inventé toutes sortes de choses. Et justement, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, je dirais, vous oubliez Clovis et vous avez un monde technique absolument incroyable. Le problème, c'est qu'effectivement, si vous n'avez pas ces fameuses pointes de projectiles, eh ben, ces autres matériaux sont considérés comme des objets expéditifs et donc ne sont pas étudiés. Et c'est ça qui est absolument surprenant dans une démarche scientifique. Et je veux dire, quelque part, ça nous désarçonne face à certains collègues. Hein. Je veux dire, je veux pas mettre tous les collègues nord-américains dans le même panier, mais cette incapacité de concevoir une spécificité différente de la nôtre, et qui existe de par le monde depuis 2 millions 6, voire 3 millions 3, je veux dire, me semble actuellement une étape cruciale à franchir si on veut continuer à faire une préhistoire intelligente. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, qui étaient les premiers Américains? Et nous voyons bien, avec ce que vous nous dites, Eric Boeda, qu'il y a une réflexion un peu comme un modèle théorique qui dirait que pour passer de l'Asie à l'Amérique, il faut que le détroit de Bering, eh bien, soit congelé et puis que la glaciation permette le passage. Ça, c'est 13 000 ans. Et à partir de là, tout ce qu'on trouve, eh bien, va poser problème si c'est antérieur à cette date. Et c'est vrai que la présentation d'une théorie très simple et séduisante rentre-t-elle dans la chronologie? L'Amérique, oh l'Amérique. Certains vous diront que c'est Christophe Colomb qui l'a découverte, voilà 5 siècles. D'autres que ce sont les Vikings 5 siècles plus tôt. Tout cela est vrai, Mais les vrais premiers Américains, c'est encore autre chose. L'Alaska et la Sibérie n'étaient pas séparées comme aujourd'hui parce qu'une vague de froid avait transformé en neige et glace l'eau des mers dont le niveau était descendu de 100 mètres. 100 mètres, vous vous rendez compte? C'est beaucoup, ça. Et de l'autre côté, en Sibérie, vivaient des gens comme vous et moi. Ainsi, d'une saison à l'autre, d'une génération à l'autre, les ancêtres des premiers Américains vont s'avancer vers l'Est à la poursuite des troupeaux. Ils ne savaient ni où ils étaient, ni où ils allaient. Les voici donc parvenus à ce que nous appellerons aujourd'hui le détroit de Bering. Monsieur, vous êtes arrivé en territoire américain. Votre passeport, s'il vous plaît. Bien sûr, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, mais comme c'est un grand moment historique, il nous faut bien vous le faire remarquer. Il était une fois les Amériques, la série d'Albert Barillet. Et justement, ici, nous avons ce schéma très simple mais efficace. Christelle Lahaye, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, il y a eu un passage, alors peut-être en suivant des troupeaux d'animaux, sauf que la spécialiste de la chronologie que vous êtes, de la géochronologie à l'université Bordeaux-Montaigne, va nous dire que factuellement, il faut mettre de côté le schéma mental qui s'est construit peu à peu pour regarder ce que l'on trouve. Et là, la datation nous montre que bien avant ces 13 000 ans, il y avait des habitants en Amérique. Oui, tout à fait. Dès les années 80, on a quelques découvertes, rares certes, mais qui semblent assez lourdes de sens. Hein. Il y a Bluefish Cave dans le Yukon, Meadowcroft en Pennsylvanie, et puis petit à petit, donc également en Amérique du Sud, hein, Monteverde au Chili et Boquerão da Pedra Furada. Ces quatre sites, à partir du milieu des années 80, vont être donc mis au jour, fouillés. La technologie lithique qu'il présente est un peu surprenante. En tout cas, on n'est pas dans du Clovis, on est dans rien de connu à l'échelle du continent. Et puis les premières datations, donc à l'époque essentiellement par le radiocarbone, mais pas uniquement, vont commencer à donner des dates plus anciennes que Clovis, de quelques centaines d'années, de quelques milliers d'années, et donc vont interroger ce schéma. Et sans doute une des étapes les plus marquantes, c'est la découverte donc et la datation du site de Boquerão da Pedra Furada par Niette Guidon, donc avec la publication de 1986 où elle affiche des datations C14 dans des niveaux archéologiques donc à 32 000 ans. Et là, deux groupes finalement se forment. Alors pas d'égale constitution hein, en taille, mais deux groupes de chercheurs se forment, les tenants d'une chronologie courte, qui vont chercher des arguments taphonomiques ou des problèmes d'analyse des vestiges ou d'analyse des datations pour expliquer que ces sites ne doivent pas être pris en compte, ne sont pas réels hein, et que la chronologie courte s'applique et que Clovis était là en premier. Et puis un autre groupe de chercheurs, y compris des chercheurs états-uniens ou canadiens, qui peu à peu vont accepter l'existence de ces sites plus anciens et vont être tenants d'une chronologie longue en pensant qu'il y a des occupations au moins jusqu'à 20 000 ans et probablement antérieurement. Probablement antérieurement, et vous avez, Christelle Lahaye, utilisé ce mot taphonomique. Donc la taphonomie, c'est l'étude des fossiles, des gisements fossiles. Mais en tout cas, toutes ces études croisées nous mènent à cette réflexion de dire les premiers habitants de l'Amérique sont là bien avant cette date qui a longtemps été fixée de 13 000 ans avec le passage de Bering, parce que cela était possible à ce moment-là. Et vous avez cité le nom d'une archéologue brésilienne, Niette Guidon. Eh bien, nous l'écoutons. Ces blocs, au moment où on les a soulevés et nettoyés, il y en avait qui portaient même des traces des peintures et qui composaient les foyers. Alors, on a pu de cette façon dater très exactement ces peintures et ces charbons de 81 de ces sondages qui ont donné des dates des 17 000 et des 25 000. Moi, je ne m'attendais pas du tout parce que tout ce que je savais, tout ce qu'on m'avait enseigné, qu'on lisait dans la littérature, disait qu'en Amérique du Sud, on ne pouvait pas avoir de la rupestre plus ancienne que 6000. Donc, moi, je croyais que je travaillais à ces niveaux-là. D'ailleurs, j'étais déjà au Brésil de nouveau, en 82, quand ces résultats ont été fournis par les laboratoires d'Égypte sur Yvette. Et un de mes collaborateurs m'a téléphoné et m'a dit « On vient d'avoir les résultats des datations des charbons de 81 ». Et quand il m'a dit 25 000, j'ai dit « Non, c'est pas possible, là il y a quelque chose ». Il a dit « Non, non, c'est vrai ». Et il y en a une autre de 17 000. Et pour un autre site, il y en avait une de 19 400. Pour un autre site, il y avait une de 15 200. Donc c'était pas seulement une date et un site, c'était plusieurs. Alors là, j'ai dû... Qu'est-ce que vous vous êtes dit alors? Le chiffre admis, c'était population arrivant... Oui, alors là, j'ai dit, ça ne va pas du tout, parce que là, on va commencer alors à avoir une dispute avec Il va y avoir de la querelle scientifique, là. C'est ça. Et la querelle scientifique continue. Nous écoutions Niette Guidon qui s'exprimait sur France Culture en 1988. Éric Boëda, justement, il y a quelque chose de charmant d'écouter cette femme, grande scientifique, étonnée elle-même de l'ancienneté de ses découvertes au Brésil. Éric Boëda, je rappelle, vous êtes directeur de la mission franco-brésilienne de Piauí. Donc c'est là encore ce qui nous conduit dans le sud de l'Amérique. Peut-on parler d'une ancienneté du peuplement de l'Amérique par le Sud? Alors, non, là les choses, il faut être très très clair. Si on prend les faits, on ne sait pas s'ils sont venus par la côte ouest ou par la côte est, c'est-à-dire via l'Afrique, ou via le détroit de Bering. Alors, je m'explique. Dans la mesure où les seuls vestiges anthropiques qui nous restent et qui ont pu fournir de l'ADN sont vieux de 11 000 ans et indiquent une origine, une origine de l'Alaska ou de la Béringie. Bon, en tout cas de l'Asie. Ça, c'est une chose dont on est certain. Bon, maintenant, comme on a des dates qui vont jusqu'à 40 000, voire bien avant, là, nous n'avons strictement aucun vestige. Donc, vous dire qu'ils viennent de gauche, de droite, du centre, du sud ou du ciel, je n'ai aucun argument. Alors après, on va parler de probabilité. La probabilité, la plus forte serait que ce sont des populations qui viennent effectivement du Nord. Mais là encore, je pense qu'il faut revenir sur quelque chose qui pour les auditeurs, soit simple. Tout à l'heure, Christelle parlait effectivement de ces glaciations qui vont créer un corridor ou pas. Imaginez une espèce d'accordéon, et vous avez d'un côté la main qui est la cordillère, donc sur la côte pacifique, et de l'autre côté de l'accordéon, qui est le Groenland. Et donc, ce sont deux masses glaciaires qui, à un moment donné, pendant la grande période glaciaire qui va durer à peu près 60 000 ans, vont effectivement avoir tendance à se rapprocher ou à se distendre comme une espèce d'accordéon. Et les gens n'imaginent pas que quand effectivement les deux côtés de l'accordéon sont collés, ça fait effectivement une calotte glaciaire qui rejoint l'Atlantique au Pacifique et qui peut faire plus de 2 km de haut. Donc vous voyez quand même, c'est quelque chose. Donc là, on passe pas. Mais effectivement, pendant cette période glaciaire, il y a eu des fluctuations très importantes avec des fréquences différentes, des amplitudes différentes, qui a fait que le corridor, il était des fois de l'ordre de 10 km, des fois de l'ordre de 500 km, des fois de l'ordre de 1000 km. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Donc, il y a une possibilité terrestre qui est possible pratiquement pendant les 70 derniers millénaires, avec des impossibilités, à un moment donné, qui sont de courte durée, pas plus de 10 000 ans. Et vous avez aussi des larges moments de passage. Mais le problème ne se situe pas que là. Le problème se situe aussi au niveau du niveau de la mer. Pendant cette période de froid, le niveau de la mer a varié entre, disons globalement, moins 120 mètres et moins 80 mètres. Dans ce cadre-là, vous avez effectivement la possibilité de passer plus ou moins à sec, ce qu'on appellera la Béringie. Et puis, il y a le troisième élément qu'il faut quand même tenir compte, c'est le continent asiatique. On parle de l'Asie. Mais l'Asie, vous avez la Sibérie, vous avez la Mongolie, et vous avez la Chine. Bon, disons, je décline un peu les trois pays. Je veux dire, donc la Russie. Vous avez la Mongolie intérieure qui est chinoise. Bon, bref. Et à partir de là, il faut aussi imaginer que les populations, si elles viennent d'Asie, elles viennent d'où? Elles viennent de Sibérie, elles viennent de Mongolie, elles viennent d'Asie, je veux dire, dans la région de Pékin, voire un peu plus bas. Et là aussi, il faut faire entrer le climat. Car si, effectivement, ces régions très au nord, donc de l'Asie de l'Est, étaient soumis au même climat extrêmement rude, on sait qu'elles n'étaient pas recouvertes de glace. Mais néanmoins, maintenant, avec des travaux qui sont menés par différents laboratoires, et je tiens à citer l'une de nos collègues, Christine Athé, qui participe effectivement grandement à ces travaux et qui appartient donc à l'université de Saclay, et qui effectivement nous apporte la preuve que cette partie d'Asie n'était pas un lieu de jamboree. Je veux dire, c'était pas des gens qui attendaient le passage. Voilà, c'était, il y avait des moments personne. Et donc, il y avait des moments où il y avait du monde. Et alors, quand il y avait du monde, c'était des populations peut-être de l'Altaï qui migraient vers l'Est. C'était peut-être des populations d'Asie centrale qui migraient vers le Nord-Est. En fin de compte, vous voyez, il y a eu, à la fois sur un plan, géologique, climatologique, des moments de passage, des possibilités, je veux dire, à tout moment, globalement. Et puis, après, il y a le côté humain. Qui passe? Quand est-ce qu'il passe? Et puis, c'est pas parce que vous avez la possibilité de passer que vous passez. Je veux dire qu'il faut avoir une nécessité pour passer. On peut pas dire qu'il y ait une pression démographique. En plus, ce sont pas des régions qui sont quand même excessivement favorables au niveau de la faune pendant les périodes froides. Bon, c'est bien d'aller en Alaska, je dirais actuellement, mais essayer de passer un hiver en Alaska dans la partie nord, vous allez voir que c'est quand même assez rude. Donc, vous imaginez en période glaciaire ce que ça peut être. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de multifocal et il faut faire très attention. Je pense qu'il faut, il y avait des populations effectivement d'Asie, et quand je dis d'Asie dans un sens très large, ça va effectivement de Pékin jusqu'à la Sibérie, jusqu'à Novosibirsk si vous voulez, et jusqu'au Pacifique. Et à partir de là, effectivement, nous devons avoir des diffusions, et je préfère le mot diffusion que migration, parce que migration, il faut qu'il y ait une nécessité, déterminée, je veux dire, que l'on connaît. Or, en fin de compte, on ne les connaît pas, ces nécessités. Donc, il y a eu des diffusions qui se sont faites au fur et à mesure, que lorsque, effectivement, la barrière, glaciaire s'est installée dans le nord de l'Amérique, et ben, il y avait déjà des populations qui étaient dans les grandes plaines, effectivement, américaines. Et ces populations, certainement, ont continué à diffuser lentement, par étapes, par la Mésoamérique. Et après, il y a eu tout le couloir de la côte ouest, qui mène effectivement au sud du Chili. Il faut quand même dire que le site, l'un des sites les plus anciens de la côte ouest, sur la côte ouest, c'est Monteverde. Et Monteverde, c'est tout en bas du Chili, hein. Je veux dire, c'est pas la frontière du Pérou et du Chili, quoi. Je veux dire, c'est vraiment tout en bas. Et puis, il y a la partie du Piaoui. Et la partie du Piaoui, pour aller dans le Piaoui, il y a quand même un endroit qui s'appelle l'Amazonie et qui, on parle de période glaciaire, mais période glaciaire, dans la région tropicale, c'est pas de la glace, c'est de l'eau. Donc c'est un taux d'humidité qui a de l'ordre de 3 à 4% supérieur à celui qui existe actuellement. Et donc, vous avez aussi un environnement qui est très très particulier. Et à partir de là, la spécificité de l'Amérique du Sud, peut-être par rapport à l'Amérique du Nord, pour ceux qui ont l'occasion de voyager, on dit souvent, on prend en Amérique du Nord la route, la fameuse route, et elle vous emmène, et on voit ces espèces de routes toutes droites avec des paysages magnifiques, mais qui sont très uniformes. Ça, je peux vous rassurer que si vous faites côte est, côte ouest, Pacifique, Atlantique, en partant de récifs et puis après en essayant de rejoindre la côte péruvienne, vous allez voir que vous n'allez pas avoir les mêmes paysages. Et donc là, on introduit encore une autre dimension qui est l'aspect, géographique. Et l'aspect géographique est extrêmement important en Amérique du Sud, car en fin de compte, elle va créer des cultures, des ensembles qui vont sur des territoires très larges, mais néanmoins très spécifiques, créer des espèces c'est une espèce de niche écologique où les hommes vont s'y installer et soit ils vont perdurer effectivement leur technique. Je veux dire, on le voit bien dans des populations comme les aborigènes d'Australie avant l'occupation des premiers colons. Les aborigènes d'Australie occupaient ce territoire depuis à peu près 50 000, 60 000 ans leur technique, parce que j'aime pas leur technologie, ils ont pas de technologie, j'ai une confusion, je veux dire, qui m'horripile entre le mot technique et technologie. Technologie, c'est une réflexion sur cette technique. Technique, c'est quand je plante un clou, je fais pas de la technologie, je fais de la technique. Donc, la technique de ces hommes et de ces aborigènes n'ont pas effectivement montré de changements extraordinaires. Et ces changements, pourquoi on se pose la question, doit-il y avoir des changements ? Et c'est là aussi, c'est une autre question qu'il faut se poser. Je veux dire, c'est par rapport à nous qu'on se dit, mais on change en permanence. Je veux dire, quand on parle de modernité, quand on parle de progrès, je veux dire, ce sont des mots à nous. Je veux dire, ce sont des mots qui sont spécifiques de certaines civilisations. Pour d'autres groupes, pour d'autres civilisations, ce sont des mots qui ne veulent rien dire. Et à partir de là, dans le Piaoui, on s'est rendu compte qu'effectivement, sur plus de 40 000 ans, on avait l'impression d'une pesanteur technique, c'est-à-dire comme si les choses se répétaient. Mais je veux dire, c'est comme lorsque vous achetez un diamant, je veux dire, vous avez l'œil de l'expert et l'œil du néophyte. Et le néophyte peut se faire avoir. Et quand on regarde de façon très précisément ces objets, on se rend compte qu'il y a de la différence et qu'effectivement, que dans cette espèce de paquet homogène, il y a énormément de différences. Et ces différences sont l'expression d'une variation culturelle liée, dépendant d'un même phénomène technique, si vous voulez. Voilà. Prenez un autre exemple, vous avez le vélo, il existe de par le monde. Et si vous prenez des vélos chinois ou des vélos suédois ou des vélos français, ou quand ça existait encore, je veux dire, vous verriez effectivement des styles différents. Et je crois que c'est cette finesse d'analyse que l'on doit avoir. Imaginez un médecin qui fait un diagnostic uniquement en vous regardant. C'est pas possible, vous direz que c'est un charlatan. Et ben, je veux dire, notre métier de préhistorien et de technicien, et non pas de technologue, je veux dire, de technicien, est d'aller au plus près de la trace et de la comprendre. Et quand on arrive au plus près de la trace et qu'on la comprend, on découvre des choses, on découvre des univers. Et c'est là où c'est absolument fabuleux, et on se dit, oui, effectivement, ça nous paraît homogène, mais il y a de la différence, il y a de l'humain, il y a des groupes. Bon, c'était pas le paradis. Et puis, quand on change, quand on va dans la pampa, je veux dire, là, on tombe dans un autre monde qui est beaucoup plus ouvert. Ou quand on va un monde vers les fleuves, dans le Mato Grosso, on voit des choses différentes. Ou quand on monte dans la Puna, en Argentine, à 4000 mètres, on voit encore des choses différentes. Et quand on va, effectivement, au Chili, ou quand on va en Terre de Feu, on voit encore des choses très différentes. Et c'est ça qui est très intéressant, est certainement très très différent du circum-méditerranéen. Et c'est pour ça que j'utilise le terme de circum-méditerranéen, parce que, en fin de compte, la préhistoire européenne est une préhistoire qui tourne autour de la Méditerranée. La Méditerranée fait un centre, et donc on va avoir des convergences, des récurrences et des diffusions qui sont très très nettes. En Amérique du Sud, on a des géographies qui vont être des isolats, et dans ces isolats, mais c'est pas des petits isolats au niveau de l'espace, c'est des grands isolats, et qui vont donner naissance effectivement à une pluralité absolument fantastique. Pluralité. Excusez-moi, pluralité fantastique. D'ailleurs, Éric Boéda, vous avez parlé du regard d'un médecin qui ausculte son patient. Je rappelle que vous-même, vous êtes médecin, en plus d'être préhistorien, et le Piaoui que vous nous évoquez nous conduit au nord-est du Brésil avec cette complexité que vous relevez. Et justement, Christelle, là, cette complexité est nécessaire pour nous faire comprendre la venue des premiers habitants en Amérique. Alors, qu'est-ce que nous aimerions ? Une chronologie simple avec une date précise de passage du détroit de Bering, une installation et puis une évolution de la manière de tailler les pierres de mieux en mieux. En fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut concevoir l'étude des populations américaines durant la préhistoire. C'est beaucoup plus complexe, ce n'est pas une chronologie simple. Alors c'est pas une chronologie simple et on ne voit pas pour l'instant, en tout cas apparemment, de vagues du nord au sud avec une chronologie qui permettrait de pister finalement cette diffusion des hommes du nord vers le sud. Donc effectivement les dernières synthèses que notre équipe a pu réaliser montrent qu'on a quand même plusieurs sites maintenant, que ce soit au nord ou au sud, qui sont datés entre 14 000 et 17 000 ans et qui sont assez larges accepté. Et notre équipe en a daté entre 14 000 et 17 000 4 dans la Serra de Capivara, donc dans le Piaoui au Brésil. Mais il y a aussi la profondeur du temps qui fait que, Christelle Lahaye, vous vous êtes perdue dans ce Piaoui du Brésil, pardon. Et vous êtes revenu. Paisley Cave, Schaeffer, Evior, voilà, pardon. On vous avait perdu quelques secondes parce que nous évoquons des temps trop lointains. Et oui, pardon. Oui, en fait, j'ai reçu un appel. Excusez-moi, que j'ai coupé et qui m'a fait perdre le fil. Vous êtes revenu justement pour nous dire. Et on a une deuxième phase, on va dire, au-delà de. Oui, quelque chose vous enquiquine sur votre téléphone portatif, Christelle. Là, Éric Boéda, justement. Vous entendez plus. Oui, moi, je vous entends. Allô? Oui, Christelle, là, vous êtes avec nous? Vous nous entendez? Ah, écoutez, on va. Allô? Ça y est, je vous entends. D'accord, vous êtes revenu. Non, mais j'allais vous poser une question extrêmement simple, qui est de dire aujourd'hui des scénarios possibles. Bien sûr, celui du passage du détroit de Bering, moins 13 000 ans, l'installation de la culture de Clovis, etc., est écarté parce que, factuellement, on a trouvé des choses plus anciennes ailleurs. Quels sont les scénarios aujourd'hui qui ont le vent en poupe pour expliquer le peuplement de l'Amérique? Christelle Lahaye, définitivement. Alors, une diffusion multiple, probablement, avec plusieurs vagues. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allez-y. Allô, allô? Oui. Une diffusion, probablement, avec plusieurs vagues, donc venant du Nord, comme l'a expliqué Éric tout à l'heure, et avec deux possibilités, ou en tout cas les versions les plus vraisemblables ou les plus probables aujourd'hui, mais qui peuvent évoluer avec les recherches futures, voient plusieurs vagues qui peuvent passer effectivement par la Béringie et le corridor des glacés, comme on l'a décrit plusieurs fois, mais aussi par la côte pacifique, en cabotage par exemple, le long de la côte pacifique, donc le long de cette côte. Et les deux hypothèses sont vraisemblables. Et ensuite, on imagine donc un scénario complexe ou des scénarios complexes avec des retours vers le nord, avec des diffusions et des populations relativement petites, des groupes relativement petits, très mobiles, et qui vont partir dans différentes directions et pouvoir revenir sur leurs pas, y compris. Ce qui explique qu'on n'ait pas un mouvement chronologique clair avec des sites qui seraient plus anciens au nord, plus jeunes au sud et une vague comme ça de diffusion cohérente. Éric Boéda, justement, dans votre démarche, il y a quelque chose qui est très humain dans cette recherche scientifique, c'est justement de prendre en compte tous les possibles, la diversité de l'humain, toutes les voies qu'ont pu prendre les civilisations, peut-être pas, mais même tout simplement les individus. Et moi, j'aime beaucoup cette approche-là de dire que, écoutez, tout est possible, dès lors, il faut s'affranchir de schémas préconçus. Bien sûr, je veux dire, c'est d'ailleurs, c'est bon, je vais un peu égratigner, mais certains de mes collègues, mais nous sommes plus très nombreux à avoir une connaissance quasi mondiale de ce que les hommes et femmes de la préhistoire ont réalisé depuis 3 millions d'années. Et souvent, maintenant, on a, je le vois sur un plan universitaire, du fait, pour des raisons X ou Y, restreint le champ d'études, parce qu'on a restreint le temps de l'analyse, et qu'à partir de là, on a des hyper spécialistes d'un domaine, et que c'est tout à fait humain d'aller voir effectivement chez l'autre ce qu'on connaît bien, et on a du mal effectivement à imaginer ce qu'on n'a jamais pu, on nous a jamais forcé à imaginer. Donc moi je suis allé de découverte en découverte, et bon, effectivement, vous vous rappelez ma formation médicale, et oui, je veux dire, c'est quand vous voyez un malade arriver, il n'arrive pas avec marqué j'ai la coqueluche ou j'ai la rougeole. Non, c'est tout un ensemble de signes, et c'est la perception sensible, il faut qui est importante, et donc on doit effectivement être attentif à ce que l'on voit. Ces objets, c'est des objets qui, alors évidemment, vous voyez une pointe de flèche. Si je parle de pointe de flèche, vous voyez carrément l'objet fonctionner, la personne tirant à l'arc, la bête tuée, le barbecue. Hein. Vous avez le scénario complet. Si je vous dis effectivement un objet Y qui n'a aucune référence dans votre mémoire, vous êtes prêt à inventer n'importe quoi. On est dans le monde de Rahan. Et pourquoi pas, hein. Je veux dire, c'est très intéressant. S'il y a la guerre du feu, c'est passionnant. Mais on n'est plus dans le monde scientifique. Donc, en fin de compte, il faut s'imaginer que quand on fait de la préhistoire et quand on descend dans le temps, on est face à des objets qui n'ont pas de mémoire, enfin, dont nous n'avons plus la mémoire, mais ces objets portent des traces. Autrement, s'ils n'avaient pas de traces, on ne les verrait pas. Donc, ils portent des traces. Et tout notre travail va être aller de la trace à la mémoire. Mais attention, il faut savoir que nous ne sommes pas eux. Donc, cette mémoire, il va falloir la limiter à certains aspects. Et c'est là où ça pose problème, parce que des fois, ces aspects-là sont effectivement pas forcément très photogéniques ou très radiophoniques ou très très visuels et ne permettent pas de raconter de belles histoires. Je crois qu'en préhistoire, il faut accepter dans certains cas, et on le fait dans les périodes récentes, d'aller au récit. Je veux dire, on colle effectivement à l'histoire parce qu'on a beaucoup d'éléments qui nous permettent d'aller au récit. Et puis, des fois, on a très peu d'éléments et on veut continuer à faire un récit. Et on veut continuer l'histoire, entre guillemets, en descendant dans le temps. Ben oui, mais en fin de compte, ces récits deviennent des commentaires parce qu'ils reposent sur rien. Et donc, il faut accepter avec humilité de dire pour l'instant, je ne sais pas, j'ai ces informations-là qui me montrent effectivement qu'il y a des spécificités qui sont différentes et donc je ne vais pas poser les mêmes questions. Je vais justement m'intéresser à ces spécificités. Je vais essayer de comprendre les réseaux qui font cette spécificité-là. Et là, vous découvrez effectivement l'existence d'un autre individu que vous. Et c'est ça qui est fabuleux. Alors, je ramenais ça aussi au niveau du territoire et de la géographie. Parce qu'il faut pas, il faut quand même imaginer que les Amériques, c'est un axe nord-sud. Et donc, ça traverse les deux hémisphères. Et donc, on a des climats différents. On a, quand on parle de glaciation, je veux dire, en Amérique du Nord, croyez-moi qu'en Mésoamérique, ils continuent au Brésil, ils continuent à boire de la caipirinha, hein, je veux dire, avec des glaçons. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et puis, quand vous êtes à 4000 mètres, c'est pas la même chose que vous êtes au bord de la mer. Donc, il y a une telle diversité géographique. Il y a une telle possibilité, je dirais, humaine, parce que l'homme va avoir toujours tendance à se différencier de l'autre, même s'il a besoin de s'identifier à l'autre. Je veux dire, c'est normal, parce qu'on vit, je veux dire, comme les animaux. On se renifle, on a besoin de se renifler, je n'irai pas plus loin, mais on a besoin donc de se reconnaître, mais aussi on a besoin de se différencier. Et ça, sur le plan de l'ethnologie, on s'en rend compte très vite que si pour des raisons, je dirais, de subsistance, de capacité de nourrir une population liée à une démographie abondante, les populations d'un même groupe vont se séparer, et plus il y aura de la distance qui va s'opérer entre les groupes, plus on va avoir effectivement une reconstitution des mythes, plus on va avoir effectivement de la diversité technique parce que des tabous vont sauter et ainsi de suite. Et c'est ça le monde, c'est ça la réalité. Et ben, on est dans un monde qui unifie tout. Or, la préhistoire nous montre que tout est différent. C'est une belle conclusion, Éric Boëda. En tout cas, une conclusion d'humaniste sur cette question. Mais qui sont les premiers Américains? Modestie, on ne sait pas encore. On a surtout compris que c'est bien avant ce que longtemps il a été présenté comme cette vérité, l'arrivée au moment de la glaciation il y a 13 000 ans. Et que tout cela est plus complexe et que les cultures se sont développées dans le sud aussi. Et peut-être avant dans le nord. Mais en tout cas, nous allons continuer à renifler vos travaux, Alain et à l'autre, Éric Boëda, Christelle Lahaye. Merci vivement à vous deux. Nous retrouvons tout de suite Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors dans le journal de l'histoire, petit tour aux Invalides, dernière demeure de Napoléon. Vous allez nous parler d'une tribune publiée dans le journal Le Monde. Alors que les commémorations autour de l'année Napoléon continuent à nourrir le débat, sa dernière demeure, les Invalides, est mise en question dans une tribune de Louis-Georges Thin et Olivier Lecourt Grandmaison, publiée dans les pages du Monde. Les auteurs ne cachent pas leurs réserves sur la mémoire du grand homme et soulignent sa fâcheuse tendance à balayer les avancées démocratiques acquises sous la Révolution. La République qu'il remplace par l'Empire ou encore l'abolition de l'esclavage qu'il rétablit. Louis-Georges Thin et Olivier Lecourt Grandmaison appellent à enseigner cette histoire plutôt qu'à la célébrer au titre des grandes heures de notre roman national qui a bien d'autres qualités. Mais au-delà de ces critiques déjà largement entendues ces dernières semaines, c'est l'emplacement même de Napoléon Bonaparte dans l'espace républicain qu'ils appellent à revoir. Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon, Les cendres du défunt empereur ont été rapatriées en France en 1840 depuis l'Angleterre pour être ensuite déposées dans un tombeau monumental sous le dôme des Invalides. Napoléon repose donc au cœur de la capitale dans un site emblématique construit sous Louis XIV, largement approprié par l'histoire républicaine qu'il n'a pas particulièrement favorisé. Les auteurs proposent de rendre ses cendres à sa famille, autrement dit de l'évacuer de l'espace mémoriel public. À titre de comparaison, un peu délicate, les auteurs de la Tribune citent l'Espagne qui a récemment délogé la dépouille de son célèbre dictateur Franco, de la gigantesque Valle de los Caídos, pour le remettre au bon soin de ses descendants qui en assurent désormais la préservation et l'entretien sur leur propre denier. Napoléon dans les livres et les manuels d'histoire absolument, mais son culte mortuaire certainement pas financé par l'impôt. La proposition va faire grincer quelques dents. Les auteurs poursuivent en proposant un programme de substitution à l'escamotage du tombeau impérial. Pour recharger de symboles bien différents ce lieu des Invalides, pourquoi ne pas le transformer en musée de l'histoire des Républiques, plus conforme à la dépense publique ? Un lieu d'histoire de notre régime politique peut être plus à même d'éclairer l'héritage qui nous préoccupe tant aujourd'hui, davantage que la liste des valeurs républicaines brandies par le gouvernement en place. Un lieu consacré à l'histoire des républiques en France pour explorer leurs tentatives, leurs contestations, leurs doutes, leurs impasses, toute la complexité de ce régime fétiche vécu comme idéal qui mériterait de voir revitaliser tous ses possibles et ses atouts. Napoléon y serait sans conteste représenté, sans obligation de présence physique et matérielle, puisqu'il a contribué en tant que monarque à forger certaines de nos institutions actuelles et conditionner l'histoire des relations de la France avec ses voisins proches et lointains pour très longtemps. Cette tribune est un beau pavé lancé dans la mare de l'espace public et de l'histoire qui s'y raconte. Sans savoir à ce jour quelles en seront les retombées, encourager l'histoire pour comprendre comment nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, plutôt que la célébration de héros décriés ou adorés, une belle proposition à étudier. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric. Demain, nous poursuivons notre regard sur les Amériques avant l'Amérique, grandeur et décadence des Olmèques.